4. Un jour pâle blanchissait la blanche campagne, lorsque le pasteur arriva au dastre et frappa à la porte du père Lecointre. Une vieille femme ridée et grise, comme une pomme cuite, vint lui ouvrir. « Oh, c'est vous, monsieur le ministre » s'exclama-t-elle. « Je ne comptais pas vous voir ce matin. La nuit a été terrible. Comment avez-vous fait pour trouver votre chemin ? Est-ce que j'arrive à temps, votre mari ? Il est beaucoup mieux à cette heure. » C'était-il véritablement une attaque ? « Ma foi, non, monsieur le pasteur, » dit-elle avec confusion en le faisant entrer. « Faut que je vous dise, nous l'avons cru perdu d'abord. » Il avait été au cabaret où il avait bu un coup de trop, suivant sa mauvaise habitude. En sortant, le froid l'aura saisi. Il est tombé raide sur le chemin. Il était sans connaissance et pâle comme un mort. Il est resté ainsi 4 heures durant. C'est alors que j'ai prié le voisin Leblanc d'aller vous quérir. J'avais si tellement peur que mon pauvre homme trépassât comme cela, comme un chien vautré dans son vomissement. Mais quand j'ai vu chuter la neige, j'ai pensé « Pour sûr, monsieur Malprat ne viendra pas. Et vous êtes là. Comment avez-vous fait pour arriver jusqu'ici ?» J'ai eu assez de peine, en effet, mais j'avais mon fidèle cheval pour me tenir compagnie. C'est une brave bête. À propos, faites-le soigner, il en a bien besoin. Je vais auprès du malade. » Un rude combat se livrait dans l'âme du ministre. Une heure après, tandis que réchauffé auprès d'un grand feu, réconforté par un bon déjeuner, il songeait à la nuit affreuse qu'il venait de passer, pour rien. Car le père Lecointre avait seulement, ce qu'il appelait grossièrement, en riant, une double cuite. De repentir, il n'en avait guère manifesté tout à l'heure, quand le jeune pasteur croyait de son devoir de lui dire quelques paroles sévères. Il était là, au fond de la pièce unique, béatement couché dans le lit armoire enchâssé au mur. Son visage rouge et tuméfié sortait à moitié, sournois de dessous les couvertures. Des mèches de cheveux d'un blanc jaune passaient sous son bonnet de coton noir. Dans ses petits yeux, luisants et ronds, qui prenaient un air dévot dès que le pasteur le regardait, une petite flamme malicieuse brillait. « Heureusement, songeait-il, on ne le paye pas comme le médecin, ce grand Nigola. Autrement, ça coûterait chaud. Le voilà tout capot à cette heure. Et il venait pour me voir passer, et il me trouve guilleret, prêt à recommencer. Il ne m'enterrera pas de cette fois-ci encore. » « Le malheureux, » pensait Monsieur Malprat, « il ne m'a même pas écouté. Et c'est pour lui que nous avons risqué nos vies, moi, père de famille, et Ali, qui est 1000 fois moins brute que lui. C'est pour ce misérable ivrogne qu'on a passé au presbytère une affreuse nuit de Noël, pour lui que la fête, si impatiemment attendue par les enfants, a été manquée. » Et une folle envie lui venait de crier à cet homme son infamie. La femme s'empressait, honteuse, attendrie, ne sachant comment témoigner à M. Malprat sa reconnaissance et son regret d'être cause qu'il avait exposé sa vie pour rien. Comme il repartait sur Ali, restauré et allègre, « Monsieur le ministre, » dit-elle, « il n'y aura pas de culte aujourd'hui à cause de la neige, n'est-ce pas ?»« Non, ma brave femme, je crois que je prêcherai devant des bancs vides. » Eh bien, mes avis que vous avez fait cette nuit un serbon de Noël que vos paroissiens n'oublieront pas de sitôt. Tout le monde le comprendra, celui-là. Les ignorants comme les savants, les simples comme les intelligents. Que le bon Dieu vous bénisse pour votre bonté. Le jeune homme partit, joyeux. La neige ne tombait plus. Un gai soleil transformait le paysage. Montagnes et vallées, bois et plateaux étaient encore tout blancs, mais ce n'était plus le funèbre linceul de la nuit. C'était un manteau royal, d'une pureté immaculée, étincelant. Des cristaux brillaient à toutes les branches des arbres, au toit de toutes les maisons. Le petit cheval marchait d'un bon pas. « Eh bien, Ali, lui dit son maître, cela va mieux que tout à l'heure, hein ? Quel magicien que ce soleil ! Qui croirait que nous avons tant souffert il y a quelques heures à peine dans cette merveilleuse campagne ? Mais vois donc comme tout est gai, comme tout est beau maintenant !» alors que tout était si mortellement triste, si lugubre cette nuit. Nous passons sans transition du cauchemar au rêve enchanteur. Le soleil, n'est-ce pas, la lumière, c'est la moitié de la vie. Oui, oui, tu me comprends, tu sens comme moi. Quel malheur que tu ne puisses pas me répondre. La route si longue la veille, pour les égarer, fut vite franchie. Vers midi, suivant sa promesse, M. Malprat frappait à la porte du presbytère. Aussitôt des cris de joie retentirent. Et dans l'encadrement de la porte, péniblement ouverte, il vit le groupe charmant de sa jeune femme, de ses beaux enfants et de la grand-mère qu'il avait cru ne jamais revoir, jusqu'à Mariette qui riait d'aise derrière les autres. « Bon Noël à tous » cria-t-il du seuil. « Papa !» s'écria Odette, « j'ai dit au bon Dieu de t'envoyer un de ses anges pour te garder. L'a-t-il fait ?»« Oui, mon garçon. » « Ah, j'en étais sûr. Et tu l'as vu ?»« Oui, mon petit. » « Comment était-il ? Avait-il de grandes ailes et une longue robe blanche ?»« Je te raconterai cela plus tard, ce soir. »« Oh, Fred, tu ne sais pas !» s'écria la jeune femme. « Aubert, le facteur, a été trouvé mort, enseveli dans la neige. N'est-ce pas horrible ? Il a dû perdre son chemin et a été pris par le sommeil. Le chien du garde forestier l'a découvert ce matin vers 7 heures, non loin de la ferme des Lambert. Nous avons été mortellement inquiets pour toi. Quelle nuit atroce !»« Eh bien, comment avez-vous trouvé le père, le cointre ?» demanda grand-mère, se hâtant de débarrasser son gendre de sa pelisse et lui faisant passer des habits secs et chauds. « Il était guéri. Il s'est enivré un peu plus qu'à l'ordinaire, voilà tout. »« Je le pensais bien, » reprit-elle gravement. « C'est indigne, » s'écria Madame Malprat, « t'avoir exposé à mourir gelé, nous avoir fait passer cette nuit d'angoisse, et tout cela pour rien. » »« J'aurai de la peine à le lui pardonner, par exemple. » »« Et notre veillée de Noël qui a été gâchée, c'est une honte, » s'écria François, exaspéré. « Et le pudding que nous n'avons pas mangé, » ajouta Odette. « Silence, mes chéris, » dit sévèrement le pasteur, tandis qu'un frisson d'horreur le parcourait tout entier. « Comment ? Vous vous plaignez et je suis là, auprès de vous. Mais comme lui, j'aurais pu rester en chemin. Si Ali pouvait parler, il vous le dirait bien. Nous avons dû même passer près de ce malheureux sans le voir, sans lui porter secours. Ah, c'est abominable, mourir ainsi dans ce froid, dans cette nuit, tout seul. Pourtant lui aussi faisait son devoir. Dieu l'a recueilli. Mais sa pauvre femme, ses petits-enfants qui l'ont attendu et qui ne le reverront jamais, c'est affreux. Son petit garçon n'aura pas prié Dieu de lui envoyer un de ses anges, n'est-ce pas ? Demanda Odette. Je ne sais pas. Dieu seul sait pourquoi il m'a conservé, alors qu'il a pris ce pauvre homme. Il a pour agir des raisons toujours supérieures que nous ne connaissons pas. Allons vite déjeuner maintenant. J'ai hâte d'aller voir sa veuve et ses orphelins. Ce soir à la veillée, je vous raconterai mon inoubliable nuit de Noël. Sachez seulement que j'ai entendu des cloches, un merveilleux cœur de cloches. C'était une musique comme on n'en entend pas sur la terre. Et savez-vous ce qu'elles chantaient toutes ensemble, les grandes, les petites, les lourdes, les légères, les graves, les claires, en une harmonie infinie ? Non ? Paix sur la terre, bonne volonté parmi les hommes. Décembre 1899.